Les cigarettes sont à droite du stylo. Le sac est à gauche du cahier. Le parapluie est sur la table. L'ordinateur est sous la table. Le chat est en face du chien. Le parapluie est derrière l'ordinateur. Le portable est devant le cahier. Les lunettes sont à côté du chat. Le stylo est entre le sac et les cigarettes.